Pour terminer la nuit, alors on a trouvé, je vous raconte pas. On aime rire et chanter. Le week-end arrivé, on peut tout oublier. Fini tous nos soucis, la musique du samedi nous aide à délirer, promis, juré. Un baiser.